toi de m'avoir trompé. Rien ici-bas ne pourra troubler la vie que l'on mène à deux. Va, et je viendrai avec toi. Bois, et je boirai plus que toi. Hurle, je hurlerai, c'est juré, bien plus fort que toi, alors. Embrasse-moi. Des mots avant de parler, car moins que rien peut me fâcher. Mais tu sais bien qu'avec tes rires, j'aurais vite fait d'oublier. Mais je ne changerai pas. Marche, je ne ferai aucun faux pas. Reste, car sans toi je ne pourrai plus. C'est sûr, m'oxygéner. Dors, car j'aime te regarder. Ris, ça m'empêche de cafarder. Aime bien sûr moi seul, car jamais un autre homme tu n'aimeras.